qu'on sorte la contribution de Doc Gynéco à la Coupe du Monde de foot 98 et on va en bouffer du foot hein, parce que ça commence le 10 juin, je vous le rappelle. Quoi se demande Jean sur Énergie, vous voulez que ça bouge? Aucun problème, alors je vous ai donc préparé Diana King. Préparez-vous. Cette structure extraordinaire. Et puis j'ai compris. Mais j'ai beaucoup. Apprends la lecture. Balayer tes projets, vieillir bien avant de ce même. Pas bien. J'y vais là. Eh ben alors, Tomika. Jusqu'au bout. New York. Je fais mon job à plaque. Time.

paraît que je dois faire mon job à plein temps. Mon 9-8, la même fuite. La même fuite, dégage. T'inquiète, c'est très... Sinatra. C'était en rien et ce qu'il paraît. Certainement avec California. Ouais, qu'est-ce qu'il y a déjà? Bientôt tu vas pouvoir chanter sous le soleil. Loni sur Toulon. Faut rien dire encore. Bon, mais pareil que tu pars, Loni. Oh là là là là là là. Pareil que tu nous abandonnes. Oui. Mais pourquoi? Et des puissants. C'est juste. Sensation. Alors ce sont les rêves. Oui, non, je... Carl Brooks, ça fait seulement une... Idée à naître, également... 1000 French fries. C'est ça. Nu de cale. En cadeau, on peut être bon mes parents. Canelo, version spéciale énergie, ainsi que Davinia. C'est Vincent, c'est énergie, c'est la tribal party, et il est 20h. Questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong and how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention? Or did I not give enough affection. Not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face, or even on the phone. You can write it in a letter. Either way, I have to know. Did I never treat you right? Start the fight. Either way, I'm going out of my mind. All the answers to my questions I have to find. My head's spinning. Boy, I'm in a daze. I feel isolated. Don't wanna communicate. I'll take a shower. Teste sa victoire, oui, oui, c'est... La Copa de la Vida, l'un des hymnes. Forgive me. But you can say, baby, can I hold you tonight? Route avec le garage offert. Où sont les places? Qui a les places? Voici Cook Robin. No such thing. Deux hommes de la Saeco, on va pouvoir prêter ma faute à Yvonne Gauthier, c'est Alex Dulé qui mène dans le premier. Alors, puisque j'en ai. Montée finale de Vezona. Non, ça, il faut que je signale aussi que l'orchestre philharmonique de Radio France, déjà cité tout à l'heure, puisqu'on va l'entendre. Alors... il n'avait pas le masque, il avait le visage. Tune in to 88. Waiting, 'cause I heard that this feeling won't last that long. Never. ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Le soleil sur les régions de l'Est, sur le Lyonnais, le Sud-Est, ainsi que sur le Saint-Parisien et le Nord, n'aura tout au long de la journée de mardi aucune difficulté à s'imposer. Mondial 98. L'équipe roumaine de football n'est pas au mieux de sa forme. Les tricolores, comme on les appelle ici, n'ont disputé que trois. Et fraîcheur et ça va de pair certaines fois l'hiver. Du mois d'octobre. Ben, je vois un peu tout cas. L'évolution est égoïste pour notre planète. Non, je. Social criminel. Je trouve que c'est. Je suis très content. Pour Cécile. Après le 50e dernière qui était. Pas tout seul. Un client. Je n'ai aucun regret parce que là. En direct, en passant par NTM 5. Putain. De l'attitude. Is it something? Hong Kong allait être traité. One FM, Info Culture. C'est décidé, vous... Sont les soldes à Val d'Oiry. Les 50 boutiques du centre vous souhaitent la bienvenue au pays des soldes. 50 sourires, 50 boutiques, 50 raisons pour s'aimer. Go. T'es sous les rails, mais moi j'a... Europe 2 à Genève et Lausanne, 90.1. De Lyon dans Qu'est-ce qui fait courir la ville. Allez, on se met. Ce jeudi. Engagé. Come running, and I want. you so.